Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indie 500, on espère que vous allez bien. Indie 500, le podcast francophone dédié aux jeux vidéo français indépendants bien sûr. Et cette semaine, eh bien, je discute avec Florian Baheu. Comment ça va Florian ? Bah, ça va très très bien, merci beaucoup de me recevoir, j'espère que toi aussi ça va bien. Eh ben ça va bien, on va parler ensemble de Chlorolink, un jeu sorti le même jour que ce podcast, le 27 mars 2026. C'est développé et édité par toi, Lei Wellin. J'espère que je prononce bien le pseudo, même si en réalité tu as été aidé de quelques personnes. Et donc, eh bien, dans cette petite émission, on va parler d'un jeu qui va vous inviter à, créer votre réseau de plantes, finalement. Oui, c'est une assez bonne façon de le présenter. C'est comme ça qu'on le présente. C'est un jeu de gestion mignon où il va falloir s'occuper de ces petites plantes pour qu'elles étendent leurs racines. Et ces racines, elles permettent d'explorer l'univers de Chlorolink. Et donc, on va avoir l'occasion de revenir durant toute cette émission sur Chlorolink. J'ai oublié de le préciser, ça coûte 7,99€ à son lancement. Et ben justement, parlant de lancement, Florian, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices ? Bien sûr. Déjà, tu l'as très bien prononcé, c'est bien Lei Wellin. Donc, moi, c'est Florian Baheu. Je suis développeur, à la base, je suis développeur ou plutôt web. J'ai 8 ans d'expérience pro en tant que développeur web. Avant, j'étais ingénieur back-end. Et puis, depuis 3 ans, je suis devenu game programmeur freelance, principalement sur Unity. Du coup, je fais principalement des outils, de la gestion réseau, mais aussi du gameplay et de l'interface. Et moi, ce que j'adore faire, c'est embarquer des gens avec moi dans mes bêtises. Du coup, j'ai beaucoup fait des game jams, que j'ai un peu découvert l'univers des game jams et je suis tombé, comme beaucoup d'autres game devs, un peu accro à cette activité. Et du coup, c'est pour ça que j'ai emmené mes amis Nicolas et Amanda, que je vais présenter juste après, je pense, qui m'ont aidé sur Chlorolink et m'ont soutenu tout du long. On va revenir effectivement sur ces jeux de game jam. Il y en a notamment un que j'ai envie d'évoquer un petit peu avec toi. Mais avant de parler de ces jeux, j'ai envie de parler de cette expérience professionnelle que tu as, notamment dans le monde du mobile. Est-ce que tu peux nous la résumer et savoir quelque part si elle t'a guidé pour la création de Chlorolink ? Alors, c'est vrai que pendant les 3 ans où j'ai été freelance, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 6 mois chez Voodoo, donc entreprise française qui fait des jeux mobiles, qui a plutôt pour stratégie de faire des jeux sur des cycles très très courts et de voir s'ils prennent ou pas, et ensuite d'ajouter de la monétisation dedans. C'est des cycles très intenses. J'ai eu un peu le sentiment en travaillant 6 mois chez eux de faire 6 mois de game jam en continu. Et j'ai appris énormément de choses au contact d'autres développeurs là-bas. C'était très enrichissant. C'est pas vraiment les jeux que je souhaite faire parce que c'est des jeux qui sont très courts, mais en même temps c'est intéressant parce que ça demande de se concentrer sur une seule mécanique et d'essayer de tout broder autour de cette mécanique, ce qu'on fait souvent en jam au final. Et ça m'a... En fait, Chlorolink, c'était un projet qu'on avait commencé avant cette expérience. On avait juste fait un prototype. Et c'est à la suite de cette expérience que je me suis dit « Ah, je pense que là, j'ai assez de bagages techniques sur Unity pour aller sur un projet un peu plus... une production un peu plus grosse. Donc, essayons de faire ça. » Et oui, du coup, ça m'a beaucoup appris. Et en même temps, ça m'a appris ce que je voulais prendre des jeux mobiles et ce que je ne voulais pas prendre des jeux mobiles. Qu'est-ce que, justement, quels étaient les pièges finalement à éviter pour Chlorolink ? Tu parlais de monétisation. Typiquement, ça fait partie de ces choses-là ? Entre autres, oui. La monétisation, c'est beaucoup... la monétisation, c'est vraiment un truc qu'on voulait éviter. Notre but avec Chlorolink, c'était de faire un jeu qui soit relaxant, où les gens, ils peuvent... arriver le soir après une journée de travail et juste se détendre. Et du coup, éviter le plus possible la pression. Or, les jeux mobiles, souvent, c'est des jeux qui essayent d'attraper ton attention le plus fort possible et de s'y accrocher le plus longtemps possible. Et c'était intéressant parce que ce que j'ai appris au travers de mon expérience chez Voodoo, c'était beaucoup de faire d'avoir un game feel de jeu mobile, donc un game feel de jeu avec des effets très flashy, très, qui accroche vraiment avec des boutons qui sautent de partout. Et là, c'était vraiment l'inverse qu'on voulait faire. C'est-à-dire toutes les animations qui sont dans Chlorolink, c'est même une difficulté qu'on a eue, et c'était un challenge super intéressant, c'était de faire le plus possible quelque chose qui soit un peu juicy, qui ait des effets qui soient agréables et qui donnent envie de continuer, mais pourtant qui reste dans un rythme très cohérent avec le message qu'on essaie de faire passer, donc très, très doux, très calme. Et du coup, c'était un ajustement de ce que j'ai appris qui était hyper intéressant. Alors j'essaye, je vais insister un petit peu parce que je trouve que Chlorolink, il y a quand même justement beaucoup ce bagage du jeu mobile parce que on va en parler d'ici une bonne quinzaine, vingtaine de minutes, mais c'est un jeu qui est extrêmement accessible. Typiquement, c'est de l'ADN justement de tes précédents travaux qui est injecté dans Chlorolink. Oui, complètement, ça c'est vrai. L'idée première, c'était que on devait. Là, dernièrement, on a ajouté le fait que ce soit jouable à la manette, mais c'est principalement fait pour être joué juste avec une souris, sans clavier, que ce soit simple, que ce soit assez clair. Et effectivement, c'est vrai que le jeu, c'est presque par accident, parce que ce n'était pas une recherche ou une volonté première. Mais marche très très bien sur Steam Deck pour le côté tactile par exemple, parce que bah, on a envie de cliquer sur les petites bulles et de les faire pop pour récupérer de la chlorophylle, on a envie de cliquer directement en appuyant sur les plantes. Et bah, le fait que ce soit sur une grille hexagonale aussi, il y a ce côté gestion slash stratégie qui marche hyper bien sur un format mobile ou tablette. Donc oui, mais l'accessibilité, effectivement, ça a toujours été un truc très important parce que pour moi, j'ai cette vision que le jeu vidéo, c'est un vecteur de relations humaines. Et que du coup, c'est cool de pouvoir partager. J'adore les jeux en coop. Et j'adore pouvoir dire à quelqu'un, regarde ce jeu, il est cool. Et puis juste lui mettre la manette dans les mains ou lui dire, vas-y, essaye. Et que ce soit facile pour la personne de le prendre en main. Alors une dernière question sur le jeu mobile, finalement, il y a eu un moment donné dans le développement où tu t'es dit, ah, ce serait bien que Chlorolink soit justement un jeu mobile. Pas forcément dans l'intention de prédation, comme on en a parlé avec la monétisation, mais justement dans cette notion d'accessibilité. Oui, complètement. Alors, pas tant un jeu mobile, parce que je trouve que le défaut, entre guillemets, du mobile, c'est que c'est très dur de mettre en valeur une jolie patte graphique, parce que les écrans sont plutôt petits. Mais sur tablette, par exemple, je trouverais ça hyper intéressant d'avoir Chlorolink. C'est une potentialité. On se dit encore, tiens, est-ce que je ne pourrais pas essayer de le mettre sur tablette, si j'ai un peu de temps en plus, si on débloque un peu de budget? Parce que ça aurait complètement sa place, je trouve. Et ça ne demanderait pas tant d'adaptation que ça. C'est vrai qu'on a la chance aussi de travailler avec Unity qui facilite ça. Et comme j'ai appris effectivement ça dans mon parcours, bah pourquoi pas en profiter et faire un portage sur tablette. Bon, on est déjà dans la suite de l'émission, on va revenir quand même un petit peu dans le passé avec ces fameux jeux de Game Jam et puis ben le trio finalement parce que Florian, tu n'es pas tout seul à développer Chlorolink. Absolument. Et c'est vrai que ça fera bien le lien avec les game jams où j'embarque régulièrement mes amis. Mais sur Chlorolink, on est trois. Alors effectivement, moi, je suis à temps plein, donc j'ai joué le rôle de producteur, game designer et programmeur principalement. Mais j'ai aussi un couple d'amis, Amanda et Nicolas Casaretto, qui, sur leur temps libre, font toute la partie artistique et me soutiennent sur le game et le level design. Et Nicolas et Amanda, ce n'est pas des artistes de métier. Et je trouve que c'est. À titre personnel, je trouve ça assez impressionnant, mais leurs métiers ont rien à voir. Et quand je dis rien à voir, c'est Nicolas est ingénieur d'études en cristallographie au CNRS. Et Amanda, elle est développeuse front-end chez Games Together, qui est un outil de gestion de communauté autour du jeu vidéo. Donc c'est vraiment pas leur métier, et ils n'ont pas eu de formation artistique particulièrement. C'est vraiment juste qu'ils ont leur petite patte que moi j'adore. Et du coup, sur leur temps libre, ils ont la volonté de m'aider et de participer et de faire un jeu avec moi. Et du coup, ils m'ont suivi et aidé pendant ces 10 mois de production. Et je suis obligé de le noter aussi, mais on a eu un petit coup de pouce de Sacha Clair-Renaud qui fait la musique, qui c'est un ancien collègue avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans et avec qui je suis resté en contact. Pareil, qui fait de la musique à côté. Et une amie qui, pour le coup, et monteuse vidéo de métier qui s'appelle Aurélie Fantone et qui a fait tous les trailers et des petites du contenu promotionnel. Mais c'était vraiment pour nous filer un coup de main. Mais les trois personnes principales, c'est quand même Amanda, Nicolas et moi. Alors habituellement, lorsque je regarde les jeux de Game Jam, je vois des petites références qui mènent quelque part au projet que nous discutons dans l'émission. Là, pas tellement, à l'exception de Quackling Rescue, où je trouve que, bon, on retrouve un peu l'UI de Chlorolink. Alors, je ne sais pas si vous en avez discuté, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de ressemblances avec, avec justement l'UI de ce projet. Alors, ça me fait très plaisir que tu dis ça, parce que c'est un peu la genèse de Chlorolink. C'est-à-dire que Quackling Rescue, c'est un jeu qu'on a fait pour la Ludum Dare 56, si je ne dis pas de bêtises, ouais, donc c'était en octobre. Absolument. Donc, le thème de la Ludum Dare, c'était Tiny Creatures. Donc petite créature, et on a fait un jeu où j'explique rapidement le concept du jeu, mais on joue à un papa canard qui ressemble à un gros poussin, et il descend dans un donjon pour chercher ses petits. Et ces petits, bon, il est au courant, hein, mais ces petits, c'est, en fait, c'est des petits monstres qui ont un petit masque en forme de bec de canard, parce que c'est quand même une famille de petits canards. Et il peut les appeler en faisant coin-coin, et ça les attire quand ils sont à portée, et ils le suivent à la queue. Le problème, c'est que ces petits canetons, ils ont le niveau d'attention d'un enfant de 3 ans à peu près, et le donjon, il y a plein de sucreries et de télé qui font du bruit et de petits personnages qui se déplacent. Du coup, il faut réussir à les rappeler à l'ordre et les faire suivre pour traverser un donjon, pour pouvoir les ramener à la maison et les mettre au lit. Et effectivement, ça va dans cette logique de, on aime bien faire des jeux mignons qui parlent un peu à tout le monde, qui sont plutôt positifs. Et Quackling Rescue, quand on l'a fait, c'est là qu'on s'est dit, ah mais en fait, on arrive à faire en 72 heures un truc un peu mignon, et à travers les commentaires qu'on a vus, qui arrive un peu à toucher les gens. Et ça, c'est vraiment pour ça qu'on veut faire des jeux. Et en particulier, on avait vu un streamer qui essayait les jeux de la Jam avec son fils sur Twitch. Et c'était génial. Hyper touchant de voir, surtout un père et son fils, puisque du coup, ça parle d'un papa canard qui va chercher ses petits, jouer et dire « Mais non, mais reviens, arrête de suivre le golem, c'est moi que tu dois suivre !» Parce que des fois, les golems, les petits poussins, ils suivent un golem comme un enfant qui suivrait la mauvaise maman au supermarché. Ok. Et c'est à la fin de... Juste après cette Ludum Dare, en du coup novembre 2025, qu'on s'est dit « Ah, c'est pas mal quand même, est-ce que... On a 2 mois, est-ce qu'on peut faire un petit prototype ?» Et en fait, ce prototype, c'est devenu Chlorolink. 2025, donc du coup, puisque tu m'avais dit que le projet avait duré 10 mois. Absolument. En fait, on a commencé en novembre 2025. On a dit, est-ce qu'on peut faire un petit proto ? On a fait un Game Dev Documents pendant 2 mois et un début d'embryon de prototype. Et juste après, j'avais ma mission chez Voodoo qui a pris 6 mois où je n'ai pas du tout touché au projet. Et j'ai repris en septembre 2025 en me disant « Ok, on y va ». En 2024 pour le début du projet, c'est et ça. 2025, ok, d'accord. Okay. Absolument. Eh bien, du coup, notre réflexion, c'était « Ok, des Game Jam. Est-ce qu'on peut faire un truc un petit peu plus gros ?» Et on n'avait pas du tout une démarche de studio, ni même une démarche marketing quelconque. Notre point de départ, c'était… En vrai, notre point de départ, c'était pourquoi on ne fait pas un 4X, mais un peu pipou, genre un peu mignon. Bon, déjà, premier problème, le scope, ça ne va pas du tout. Voilà, un 4X, c'est beaucoup trop gros. Et en plus, non mais n'importe quoi. Et en plus, un 4X, c'est un genre de jeu de stratégie où souvent on a un empire et ça s'appelle 4X pour Explore, Expand, Exploit and Exterminate. Bon, Exploit and Exterminate, ce n'est pas super pipou. Du coup, on s'est dit, ok, comment on fait pour la partie exploit and exterminate ? Bah, on la fait pas, en fait. Nous, on veut pas du tout un jeu où il y a des mécaniques violentes. On aime beaucoup réfléchir en termes de game design à c'est quoi un jeu non violent, c'est quoi un jeu doux, c'est quoi un jeu où la difficulté c'est pas vraiment un problème, où il y a pas vraiment d'erreur possible. Du coup, on a dérivé de 4X vers 2X en 2X. Fait. 2X. Oui. On s'est dit explore, expand, ok. Est-ce que expand, ça nous fait pas un peu penser à des plantes Et si on faisait un jeu de gestion, et en fait, c'est pas une ville, c'est des plantes, et ça pousse un peu de manière organique, et tu contrôles pas tout. Et du coup, comme j'ai dit, on a fait un prototype pendant 2 mois, et à la fin de ce prototype, les plantes, elles poussaient pas avec un. Aujourd'hui, donc, le rolling, elles ont un pattern de pousse particulier. Tu as une Oui, plante ça qui va en c'est haut à droite. assez particulier, on y reviendra dans quand on Ouais. parlera du jeu. Et en fait, à la fin du prototype, on avait quelque chose de très organique, c'est-à-dire que les plantes, on les posait et elles poussaient d'elles-mêmes. On n'avait aucun contrôle sur vers où elles poussaient. C'était ça qu'on cherchait. C'était ce feeling un peu. Tu fais des actions et tu vois ce qui se passe, mais tu contrôles pas complètement vers où ça va. À l'instar des plantes qui vont aller plutôt essayer de trouver un chemin vers la lumière, bah là, ça, il pouvait y avoir des plantes qui allaient naviguer toutes seules entre des cailloux et trouver leur chemin. Mais visuellement, ça ne nous plaisait pas parce qu'on n'avait pas encore trouvé la bonne recette pour avoir des racines visibles au sol qui font un chemin. Et du coup, tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait continuer, mais que bah voilà, Amanda, elle commence un nouveau travail. Moi, j'avais ma mission chez Vodou. Donc, on a laissé 6 mois ce projet un peu à l'arrière de notre tête. Et quand on est revenu sur le projet, on a dit, OK, posons-nous. Moi, je sais que bon, voilà, Amanda, elle a continué son travail. Moi, j'avais du temps. J'étais là, OK, j'aimerais bien avancer sur ce jeu. Et en fait, le but personnel initial, c'était surtout, pour être honnête, c'était un ajout dans mon portfolio. C'était même pas de faire un jeu commercial. C'est-à-dire que pour moi, à ce moment-là, mon but, c'était de Samurai dire. Kirby, ça ne suffisait pas du coup. Samurai Kirby, ça suffisait vraiment pas, même si j'adore ce jeu. Et pour l'anecdote, c'est le jeu qui est le plus. Mais je pense que c'est parce que. Le dites pas à Nintendo, ils vont me faire un procès. Mais j'ai fait une copie de Samurai Kirby qui marche en ligne. Et en fait, c'est le jeu qui est le plus vu sur mon itch.io. J'ai même des gens qui m'ont contacté en privé pour pouvoir avoir des serveurs privés. Donc Samurai Kirby, c'est le petit mini-jeu qu'on a dans Kirby, je sais plus quel épisode, d'ailleurs dans plusieurs, où justement on a Kirby qui affronte un autre personnage en face de lui, et c'est à celui qui appuiera au bon moment lorsque le décompte est donné pour simplifier un petit peu le jeu. C'est le tout premier jeu que j'ai fait sur Unity. Et je cherchais surtout à faire un jeu où je pouvais jouer avec mes amis, en fait. Donc je pouvais. C'est pour ça que c'est une version en ligne. C'est pas du tout local, Samurai Kirby. Parce que mon but, c'était pouvoir dire à un ami, tiens, va sur ce site, c'est quoi? T'inquiète. Nintendo ne sait pas, ne t'inquiète pas, tout va Ouais. bien. Et c'est le premier qui appuie, qui gagne. Et c'était hyper rigolo. Et du coup, il y a toujours des gens qui me contactent sur ce projet. Mais oui, bah, tu vois, Samurai Kirby, c'était aussi parce que pour moi, Kirby, c'est Nintendo et j'ai longtemps été un fanboy de Nintendo. Je me suis calmé un peu. Mais ils ont ce truc que je cherche de quand tu joues à un jeu Nintendo, souvent, t'as un peu les yeux qui pétillent, le regard qui pétille, t'as un peu les yeux qui brillent de oh là là, c'est mignon. Avec des fois pas grand-chose, parce qu'en fait, quand tu regardes le détail des derniers jeux Pokémon, visuellement, il y a des petits effets qui sont très très simples, mais qui sont très très efficaces et qu'ils arrivent à faire avec pas grand-chose. Bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup une grosse louche de nostalgie dans le tas, mais ils arrivent à faire des choses très mignonnes avec pas grand-chose et à émerveiller toujours. Et c'est vraiment ce que j'adore dans le jeu vidéo. Et du coup, ouais, on a continué Chlorling, qui a eu plein de phases du projet où on a remis des choses en question, où on a évidemment retiré certains éléments parce qu'on n'aurait pas assez de temps ou parce que c'était trop ambitieux. Ok, quelles idées par exemple? Alors, il y en a qui sont toujours, y en a qui sont vraiment plus là, il y en a qui ont leurs traces dans le jeu, par exemple. C'était hyper important d'avoir plein de petits détails. Qui des fois sont absolument inutiles. Actuellement, dans le jeu, il y a une plante d'eau et quand elle est contente, elle arrose ses copines. Cette plante d'eau, elle fait des petites bulles d'eau qui partent de la plante et puis qui ont un petit chemin aléatoire. Si on clique sur ces bulles, on peut les éclater. Ça sert à rien. Mais c'est rigolo. Et dans cette logique, on en a rajouté d'autres. Et il y avait des mécaniques qui avaient un but. Par exemple, il y a pas mal de secrets dans le jeu. Des secrets qu'on trouve en faisant des actions spécifiques. Et il y a des petits insectes. Et si les gens jouent au jeu, ils verront qu'il y a des petites coccinelles et on peut attraper les coccinelles et les déplacer si on veut. Et en fait, l'idée de ça, c'était de dire, oh là là, on aimerait bien qu'il y ait des petits. Un peu que les secrets dans le jeu fonctionnent un peu comme des noix qu'au goût. dans Zelda. Donc, okay. Où il faut faire des petites choses, genre il y a un cercle avec des cailloux, mais il y a un caillou, il est un peu de côté, peut-être si je le déplace et je le mets au bon endroit. Et quand on le fait, il y a un petit personnage dans Zelda qui arrive et qui nous donne une petite récompense. Ben là, c'est pareil pour les secrets. Et les insectes, c'était un peu ça qu'on cherchait, c'est-à-dire ah, peut-être que si je prends cette coccinelle et si je l'amène là-bas où il y a un petit dessin de coccinelle, ça fera quelque chose. Et ça, bon, on n'a pas du tout eu le temps de faire ça. Voilà. J'ai eu le temps de faire les insectes qui se déplacent, c'était cool déjà. Et après, bah, évidemment, on aurait voulu avoir plus de... Là, les plantes, elles ont des patterns de spécifiques qui les font pousser dans certaines directions. On aurait voulu en mettre plus. On aurait voulu plus de diversité, plus de biomes. Si on nous avait écoutés, on aurait eu 6 biomes. Et il y avait des biomes avec, avec des fées et des trucs comme ça. Mais il y a un moment où il faut être raisonnable. Et c'est aussi, il y a 4 biomes hein, dans le jeu final, du coup. Oui, absolument. Il y a 4 biomes. Et on s'est arrêté à 4. Mais on aurait eu envie d'en faire plus. Et je pense que c'était hyper enrichissant aussi pour moi d'avoir un projet où... C'est un peu un truc que j'ai parce que j'ai cette expérience professionnelle avant d'avoir travaillé sur des projets plus classiques d'entreprise, de dire, bah, en fait, un projet, il a une deadline et tu peux pas... Il y a des fois, il faut enlever des éléments pour que ça passe. Et faire le deuil assez rapidement de ces choses-là. Donc, ce n'était pas une grosse difficulté, mais c'est plus difficile quand tu le fais pour toi, avec ton projet, avec tes amis. Bien sûr. De dire, ah, écoute, il est super joli ce dessin. Voilà, typiquement, j'ai en tête, on a une plante. C'est un espèce de sapin qui est censé afficher des directions en fonction de... qui était censé donner des directions. Et du coup, les branches étaient plus ou moins feuillues en fonction de vers où ça devait aller, vers où le joueur devait aller. Okay. On n'a pas du tout pu l'intégrer. Et j'ai cherché plein de fois des façons de dire « Ah ben, est-ce que cet arbre-là... Il... » Non. Incroyable. Et... Donc, il y avait une petite notion de jeu d'aventure aussi. Oui, absolument. Dans le titre. Mais c'est un titre ultra ambitieux, hein, Chlorolink. On en a beaucoup discuté ce matin en off. Mais tu me disais justement, parce que moi j'avais été, moi personnellement j'ai beaucoup aimé le jeu. Hein, je te l'ai déjà dit. Et j'aurais bien vu vraiment un éditeur s'emparer du projet. On va y revenir d'ici quelques instants et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et puis finalement, vous n'êtes pas allé chercher d'éditeur pour quelque part promouvoir le titre. Non, je pense qu'il y a évidemment plusieurs raisons à ça, mais il y a un moment où on s'est posé la question. Je pense que c'était après un playtest qu'on a fait à l'apéro JV au Burnout Bar à Montpellier. Merci à Pushstart d'ailleurs de permettre ce genre d'événement. Où on s'était déplacé, oui, merci beaucoup à eux. On s'était déplacé à Montpellier pour faire un playtest physique. Et à la suite de ça, c'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était en décembre. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que là, on a une démo ? On est content ? Est-ce qu'on va plus loin ? Si oui, on voulait aller plus loin. Si oui, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va avoir un éditeur ? Est-ce qu'on reste de notre côté ? Honnêtement, il y a une part de nous... je vais parler pour moi principalement, mais moi, je ne me sentais pas légitime d'aller voir à ce moment-là un éditeur et de lui dire voilà, j'ai ce truc là, je pense que... Alors que tu as 8 ans d'expérience dans le domaine du bah, JV déjà. Alors, j'ai 8 ans d'expérience dans le développement logiciel, mais 3 ans seulement en jeu. Et même si je vois bien comment ça marche, même si j'ai déjà parlé, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec des gens qu'on parlait à des investisseurs, aider à préparer des pitchs pour des investisseurs dans un domaine autre, je sais pas, dans le jeu vidéo, comme il y a ce côté artistique et que je présente un peu plus de ma personne, c'est un peu plus personnel, j'avais cette friction de dire, je sais pas si, est-ce que ce que je fais c'est assez bien, et puis il y a tellement de gens qui font des jeux tellement bien, est-ce que vraiment l'éditeur ça va l'intéresser ? Et en fait, maintenant, le mois de il y a 6 mois n'était pas du tout capable de passer ce cap. Maintenant, je pense que je suis un peu plus serein sur ça parce que j'ai eu la chance de parler à d'autres créateurs qui ont aussi vécu ces mêmes questionnements, ces mêmes épreuves. Et bah, en fait, ça coûte rien d'essayer. C'est les éditeurs qui diront si ça vaut le coup ou pas. La bonne façon d'être sûr de jamais avoir d'éditeur, c'est de jamais contacter d'éditeur. Donc, on aurait pu. Mais il y a aussi une autre part qui fait que je n'ai pas de regrets. C'est que, comme je l'ai dit, Nicolas et Amanda, ils font ça sur leur temps personnel. Et déjà, en termes de gestion de projet, il y avait forcément des moments où on devait finir des choses. Et ils ont toujours été très francs sur le fait que bah, s'il y a un moment où il faut que tu nous dises « Ok, faut qu'on mette un coup de collier pour sortir quelque chose, pour avoir des assets ou quoi, n'hésite pas à nous le dire. » Mais c'est beaucoup plus difficile quand c'est des amis qui le font sur leur temps perso plutôt que des gens que tu vas rémunérer de toute façon. Et je pense que si on avait eu un éditeur, on aurait eu une pression supplémentaire de devoir sortir quelque chose dans des timings peut-être plus serrés ou devoir plus produire. Et j'aurais pas voulu leur imposer ça. Moi, j'aurais pu me l'imposer, mais je trouvais ça injuste de leur imposer. Donc, j'ai aucun regret sur ça. Peut-être que si on l'avait fait, Chlorolink serait plus vu, on aurait eu plus de visibilité, peut-être plus un succès commercial que ça ne va l'être. Mais je me dis que ce n'est pas grave parce que c'est quand même une belle façon pour moi de présenter ce que je suis capable de faire. Et bah, si je fais un autre jeu et que je vais le présenter à un éditeur, je pourrais dire bah, je suis la personne qui a déjà fait ça et j'estime que ça, c'est un certain niveau de qualité. Ça prouve le niveau de qualité que je peux produire aujourd'hui. J'ai une autre idée et en plus, je suis capable de vous prouver que je sais aller au bout d'un projet. Et ça, je pense que ça, c'était la valeur que j'allais chercher. Et je pense que ça, on ne peut pas me l'enlever. On va désormais parler de Chlorolink. On a dit que c'était un 2X végétal. Donc, grosso modo, vous avez des plantes et vous avez un système racinaire que vous devez étendre dans une gigantesque clairière quelque part. Du moins, c'est ça au tout début du jeu. On a dit qu'il y avait plusieurs biomes, avec leurs spécificités. Comment vous est venue justement les idées de cette extension racinaire des différents végétaux, des différentes plantes, que vous avez introduites dans le jeu, et comment quelque part créer des interactions entre ces deux systèmes? Notre but, c'était vraiment de dire on veut que c'est y ait en fait on essaie de faire passer un message à travers le jeu qui est un message de communauté, de on est un groupe est plus fort ensemble et c'est pour ça aussi que l'énergie principale que la plante de vie principale luxe qu'on essaye d'aider dans le jeu et qui est au centre de tout le réseau, l'énergie qu'elle transmet s'appelle la satisfaction et son le but, c'est de propager cette satisfaction et de créer des petits îlots de plantes qui sont comme en symbiose, où elles vont s'entraider les unes les autres, s'apporter ce qu'il leur faut les unes les autres pour être satisfaites. Et pour utiliser ce message, on voulait que ce soit... On trouvait ça plus sympa que ce soit des plantes, parce qu'on n'a pas tant de jeux que ça qui parle de la nature, même si de plus en plus on en voit apparaître. Et l'exploration, en fait, on s'est dit c'est pas facile de faire un jeu d'exploration où on se déplace pas. C'est pas facile de faire un jeu d'exploration qui est aussi un jeu de gestion avec une grille. Donc un peu, c'est comme si un peu Civilization ou Terra Nil avait de l'exploration. Comment on fait? Et c'est là qu'on a eu cette idée de... Bah, en fait, les plantes, elles s'étendent, donc on va les laisser s'étendre avec leur petit réseau de racines. Mais c'est très difficile en termes de level design de faire quelque chose qui apporte de la satisfaction aux joueurs. Cette satisfaction de « Ah, là, j'ai été malin, j'ai trouvé comment faire pour passer quelque chose », quand en fait, c'est la plante qui le fait elle-même. Et il se trouve que... Autour de la période où on réfléchissait à ça, moi j'ai rejoué à Potioncraft. Potioncraft où donc il faut créer des petites potions puis les vendre. Et en fait, il y a un système dans Potioncraft où les ingrédients, il y a une espèce de grande carte et les ingrédients, selon les ingrédients qu'on utilise, on avance sur cette carte pour créer qui sert à créer une potion. Et chaque ingrédient nous fait avoir un chemin un peu différent. Et on a eu comme un déclic de dire, mais en fait, c'est ça qui est rigolo. C'est cette idée de les plantes, elles vont chacune avoir leur identité de par leur façon de pousser. Et leur façon de pousser, ça va être la direction dans laquelle elles poussent. Du coup, ça revient un peu à empiler des espèces de pièces de Tetris, sauf qu'on est sur une grille hexagonale. Et on va les empiler tout en... les unes après les autres pour explorer, et ça va permettre de naviguer entre les obstacles et de créer des espèces de petits puzzles où, ah bah ok, là j'ai des rochers, du coup j'ai pile poil une plante qui fait en haut à droite, en haut à gauche, ça épouse parfaitement la forme, et ça va être rigolo comme ça que le joueur se trouve naturellement des formes qui épousent bien les chemins. Et ça fait partie des espèces de piliers de game design qu'on a essayé d'appliquer avec le rolling. Donc chaque plante a, on va dire, des exigences, on va y revenir d'ici quelques instants, sur par exemple le niveau d'eau ou l'endroit où elles doivent être plantées. C'est bien, ça rejoint un épisode qu'on a enregistré il y a à peu près un mois sur Via Best Garden, où on retrouvait un peu justement cette systémique-là. Et chaque plante va avoir quelque part sa propre extension du réseau racinaire, ce qui fait qu'on ne sait jamais trop ce qui va se passer, même si on se doute un peu, et on peut voir parfois les réseaux se rejoindre, s'intercéder, parfois partir dans une direction qu'on ne voulait pas, et donc du coup bah, on est obligé de soit planter un réseau racinaire unique qu'on peut justement fabriquer en dépensant des matières que l'on obtient uniquement la nuit avec les plantes, ou en plantant un champignon qui va permettre justement de capitaliser là-dessus. Donc quelque part il y a quand même la conservation d'un espèce d'aléatoire que l'on retrouve dans la nature. Absolument, c'était un des points qui nous tenait à cœur, c'était qu'on garde ce côté un peu organique, un peu ça reste des plantes et on peut pas faire n'importe quoi. Et de la même façon que ces plantes là c'était important pour nous qu'il y ait jamais de destruction. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas supprimer ou modifier l'emplacement d'une plante, et qu'elles sont comme elles sont en harmonie, et qu'une fois qu'elles sont placées, elles ont leur propre façon de pousser, bah, il faut respecter ça. Et du coup, bah oui, des fois, elles ne poussent pas comme on veut, des fois, ce n'est pas pratique, et ce n'est pas grave, il faut trouver des solutions autour de ça. Des fois, on les pose n'importe où. Aussi, mais c'était un des axes de réflexion qu'on avait en termes de game design. Autour de la difficulté. Alors, il y a énormément de débats en ligne sur comment on gère la difficulté dans les jeux, et les jeux trop faciles, et les jeux trop durs, et les sous-likes, etc. Nous, notre façon de voir les choses, c'est que Chlorolink, c'est objectivement plutôt un jeu facile. Parce qu'on ne voit pas trop l'intérêt quand tu as déjà eu une journée difficile, c'est bon. La partie difficile, elle est passée. Maintenant, tu peux te détendre et tu peux te laisser hypnotiser par un jeu qui... Ce n'est pas des vraies barrières. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge. Il y a des petits puzzles et des énigmes. Mais ce qui était important pour nous, c'est de gommer le plus possible la frustration. Et c'est super satisfaisant de bien prévoir son chemin pile poil, comme je l'ai dit, pour arriver à cette plante-là. Elle arrive sur une case d'herbe, ça tombe bien, parce que la plante d'après que je voulais placer, elle pousse que sur de l'herbe. Mais si tu ne l'as pas vu, ce n'est pas grave. Parce que tu peux... Tu as toujours des solutions de secours dans Chlorolink. Tu peux placer des racines en utilisant une autre source. Tu as toujours un autre chemin. T'as toujours, en fait, on a construit tout le jeu en se disant que le joueur ne devait jamais être bloqué. Au pire, ça le ralentit un peu. Mais il y a que mais c'est des petits accidents. Si tu places une plante qui est mal placée, bah, elle est là. C'est une plante et elle vit sa vie. Et de la même manière, une plante ne pourra jamais être bloquée. Comme tu l'as dit, les plantes, elles ont des contraintes de pose et des besoins pour être satisfaites. Et quand elles sont satisfaites, elles poussent et elles ont chacune leur contribution au réseau. C'est pas possible qu'une plante soit bloquée dans un état d'insatisfaction. C'est pour ça qu'il y a certaines règles qu'on s'est interdites. Donc les plantes, elles ont des règles de satisfaction de l'ordre de « Oh, moi j'aime bien quand il fait jour, moi j'aime bien quand il fait nuit, moi j'aime bien quand j'ai de l'eau, moi j'aime bien quand j'ai des copines satisfaites autour de moi. » Mais c'est pas possible qu'une plante, par exemple, se dise « Ah, moi, je suis satisfaite que si j'ai de lavande autour de moi. » Parce que ça voudrait dire que si tu n'as pas placé de lavande autour, comme tu ne peux pas les enlever ou les modifier, elles pourraient être bloquées. Donc, bah, ce n'est pas possible comme condition de satisfaction. Oui, puis la carte est assez grande, donc du coup, si jamais votre réseau racinaire ne vous convient pas, vous pouvez très facilement quelque part diverger de votre chemin et créer un autre réseau racinaire qui va quelque part être un nouveau réseau principal que vous allez pouvoir fabriquer. D'ailleurs, comment a été construite la carte? Parce que la carte est quand même assez grande, mine de rien, hein, pour un jeu de ce type. Jamais assez grande du point de vue du développeur, mais je te rejoins sur le fait qu'elle Ah! est plutôt grande. Comment elle a été construite? En fait, on a beaucoup réfléchi en termes de temps de jeu et de où est-ce qu'on voulait guider le joueur. Il y a aussi, il y a, il y avait, au début, il y avait cette réflexion autour de jeux comme Zelda, par exemple, qui a Zelda Breath Zelda of the revient Wild. beaucoup dans l'équation, j'ai l'impression. Oui, bah parce que c'est dur de Parce que s'essayer à faire des choses Chlorolink, simples. c'est pour ça. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu, j'aurais pu placer celle-là. Je vais essayer de la replacer, tiens. Mais dans les mondes ouverts, dans Breath of the Wild par exemple, il y a eu beaucoup d'interviews de game designers qui disaient, ouais, mais quand on plaçait un rocher, on se disait toujours pourquoi il est là, etc. Au début, on partait sur ça et en fait, c'est trop compliqué, c'est trop ambitieux de dire. Bah, en fait, tout a un sens. Cela dit, c'était important que chaque élément ait un sens. Et comme on avait des plantes qui ont des directions particulières et qu'on débloque au final, dans la première heure du jeu, une façon de se déplacer dans toutes les directions, bah, au début, c'est assez facile de guider le joueur parce qu'au début, il n'a pas toutes les directions. Donc on sait que même si au début, tu es la première plante que tu débloques dans le tutoriel, elle va en haut à droite, c'est la lavande. Tu pourras aller que en haut à droite, donc ça segmente beaucoup la direction dans laquelle tu vas pouvoir aller. Une fois que tu as tout, donc la première zone du jeu est assez guidée, et après, on s'est dit, bah, on va juste essayer de jouer avec les nouvelles mécaniques et de faire en sorte que le joueur, même s'il fait un peu n'importe quoi, ce qui n'est pas grave du tout pour nous, parce que s'il y a de l'engagement avec le jeu, ça nous suffit, hein, vraiment. Tant que c'est agréable de poser des plantes et qu'il en pose, c'est bien. Mais même s'il fait n'importe quoi, il faut qu'il puisse atteindre son but sans que ça prenne trop de temps. Parce qu'il ne faut pas que ce soit, faut pas qu'il y ait le sentiment de oh là là, mais c'est une punition d'aller là-bas. C'est l'inverse qu'on cherche à faire. Du coup, on a construit la carte surtout en se disant ok, combien de plantes il faut, c'est quoi le chemin optimal et c'est quoi le chemin très très suboptimal. S'il en place trois fois plus. Genre comme moi, quoi. Alors, je sais pas parce que j'ai pas vu à quoi ressemblait ta sauvegarde, mais je suis Ah, tu sûr as qu'en vu vrai, déjà ça à va. quoi ressemblait un de mes réseaux racinaires autour d'un pissenlit. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est notre faute parce que tu as eu l'occasion de voir le jeu avant qu'il soit complètement sorti. Et il y a des petites choses à ajuster, mais il y a des. En l'occurrence. T'avais trouvé un secret et c'était pas hyper évident comment interagir avec ce secret, ça le sera à la sortie. On y reviendra un petit peu plus tard, effectivement. Mais oui, il y a des petits secrets et ces interactions, elles sont pas forcément évidentes. Mais ça fait aussi partie de la réflexion de la taille des niveaux de la carte. Donc toute la carte, elle a été évidemment créée à la main. On m'a beaucoup demandé parce que c'est des hexagones et que je sais que les jeux de gestion adore faire du procédural. Mais là, en l'occurrence, tout est créé à la main et tout est réfléchi en disant, OK, quel est le chemin que le joueur prend, s'il prend le chemin le plus facile, s'il prend le chemin le plus alambiqué, et est-ce que c'est ennuyeux ou pas de prendre ce chemin. Et aussi, parce que c'est dans le message qu'on essaie de transmettre, c'est pas grave si on prend le mauvais chemin. C'est pas grave d'avoir un chemin de facilité. Il y a un moment en particulier dans le jeu où on peut aller presque tout droit au lieu de suivre, si on fait les choses dans un ordre différent de l'ordre logique, entre guillemets, on peut se retrouver avoir une plante qui facilite énormément la traversée d'une zone. Et ben c'est pas grave, on a mis un secret là. Du coup, au contraire, on veut récompenser. La créativité, même si la créativité, c'est, j'ai pas envie d'aller dans ce biome, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe quand je débloque la suite du jeu. Mais va voir la suite du jeu, vas-y. C'est un grand plaisir de savoir que les gens vont se dire, Et bah, j'ai moi, je veux aller voir la suite. C'est une grosse victoire en fait pour nous si les gens se disent ça. Donc autant les récompenser. On va parler maintenant un peu du côté biologique du jeu. Comment vous avez fait pour choisir les plantes qui sont intégrées dans le jeu? Il y a un moment où c'est difficile de produire des assets qui sont jolis et qui sont en plus qui viennent du qui c'est mi ça doit être mignon. Notre but c'était de faire des trucs mignons. Le problème c'est que des fois les plantes c'est pas mignon. Des fois c'est un peu bizarre. Et du coup on s'est dit ok c'est quoi les plantes qui pour nous inspirent le côté doux et mignon. Qui va avec la palette de couleurs qu'on veut et qui n'est pas, ce soit pas bizarre que ces plantes soient là. Du coup, c'était assez logique pour nous de dire, ok, ben, disons des lavandes, de la lavande, la Provence, ça va parler un peu au public français, ça les fera rigoler. Et d'ailleurs, les plantes dans le jeu, il y a un petit herbarium. Qui est un petit carnet où on retrouve des informations sur les plantes. Et elles ont un nom scientifique, nom scientifique qui n'est pas le nom scientifique des vraies plantes, parce que on triche un peu, mais souvent qui est soit inspiré de la vraie plante, soit qui Ok. est du latin qui a une signification. D'accord. Pourquoi ne pas avoir mis le vrai nom des plantes? Parce qu'en mettant le vrai nom des plantes, on crée une espèce de dissonance cognitive parce que ça nous empêchait de prendre des libertés sur. En fait, si je dis ça, c'est de la lavande, elle s'appelle lavanda, la plante. Ça se voit que c'est une lavande. Mais si je dis c'est une lavande, les gens ils vont avoir ce réflexe de dire mais pardon, je veux pas vous embêter, les gars, mais la lavande, ça pousse pas quand il fait froid. C'est vrai. En effet, c'est pour ça que c'est pas une lavande, c'est de la lavanda. Donc ça a tout à fait la tête d'une lavande, mais on ne veut pas non plus frustrer et manquer de respect aux gens dont ce serait le métier, par exemple, en disant, mais oui, c'est de la lavande et la lavande, ça marche comme ça. C'est complètement un choix, hein. On aurait pu, j'aurais tout le respect du monde envers des gens qui feraient un jeu où ils décident d'appeler ça vraiment de la lavande et de faire n'importe quoi avec, il n'y a pas de problème. Mais nous, notre démarche, c'était ça. C'était de dire, bah voilà, le coquelicot, c'est doux. Le coquelicot, est-ce que le coquelicot, ça a du sens qu'il pousse dans la terre? Pas forcément, du coup, bah, disons que non, il pousse dans l'herbe. Par contre, le punica, qui est un grenadier, hein, globalement, c'est un arbre, et du coup, on n'a qu'à dire que vu que c'est plutôt un arbre, bah, les arbres, ils vont plutôt pousser dans la terre, et on va laisser les fleurs pousser dans l'herbe, et ce sera un peu une thématique qu'on pourra retrouver dans le jeu, et du coup, les joueurs pourront presque intuitivement avoir ces petites idées de OK, je sais que ça c'est une fleur, donc je m'attends à ce que ça pousse là. Parlons Là, des arbres. oui, voilà, tu voulais engager sur les arbres. Je suis Et curieux oui, de. parce que Chlorolink est un jeu qui a affaire justement de systèmes racinaires entre les plantes, mais les arbres jouent également un très grand rôle dans justement l'épanouissement réel, pour le coup, d'un écosystème, et ici d'un écosystème racinaire. Est-ce que ça vous est venu à l'idée justement d'intégrer des arbres dans le titre? Et sinon, pourquoi vous n'avez pas fait ce choix? Alors, en fait, il y a en quelque sorte des arbres. Alors, deux éléments. Il y a des arbres, mais on les utilise comme des obstacles, principalement. C'est les premiers types d'arbres. Juste parce que visuellement, c'est plus gros que des fleurs, et du coup, le joueur comprend, et puis ça habille, et ça permet de faire des environnements un peu différents avec des forêts, ce genre de choses. Ensuite, il y a certaines des plantes qui sont des petits arbustes. En l'occurrence, Lux, la plante de vie qu'on aide, au fur et à mesure qu'on va trouver et relier au réseau d'autres plantes de vie, Lux va grandir jusqu'à devenir un espèce d'arbre-monde, un beau chêne. L'arbre Mojo, tu peux le dire, on Oui, reste dans voilà, presque Zelda. ça. Non, pour le coup, c'est plus un chêne en l'occurrence. Et d'ailleurs, les secrets qu'on trouve dans le jeu donnent des petits. Ah, d'où On le a appelé ça des fameux. luminois. C'est en fait, c'est des glands de lumière. Qui viennent du chêne Lux. Et à un moment dans le jeu, on va pouvoir utiliser cette ressource qu'on récupère à travers les secrets qu'il y a dans le jeu pour pouvoir donner un petit coup de pouce supplémentaire à Lux. Donc il y a un peu cette idée d'arbre, mais on trouvait que c'était plus intéressant que l'arbre, il y ait un arbre qui soit l'arbre principal, qu'on refait pousser et qui redonne un peu cette énergie à tout le réseau. Donc au final, on peut presque voir la trame racine, c'est comme ça qu'on a appelé le grand réseau racinaire qu'on crée et qu'on étend tout le long du jeu. On peut presque voir cette trame racine comme l'ensemble des racines qui émanent de Lux. Et ensuite, et ça c'est plus lié à la production du jeu, on aurait aimé avoir plus d'arbres et certainement des arbres plus gros qui auraient eu un rôle qui aurait peut-être plus été de l'ordre de... J'aurais bien aimé qu'il y ait des arbres qui soient des secrets en soi. J'aurais bien aimé aussi qu'on ait des arbres qui aient effectivement un rôle différent avec des racines peut-être un peu plus grosses et qui aient un rôle un peu plus important dans l'évolution du réseau. Mais ça, malheureusement, en termes de temps de production, ça demandait de rajouter des règles. Et en fait, Chlorolink a déjà pas mal de règles, et on ne voulait pas perdre le joueur, et on ne voulait pas non plus... on n'estimait pas avoir le temps de développer ces règles de manière correcte. Alors, il y a un truc, et on va terminer là-dessus pour la présentation du jeu, que tu m'as dit en off, c'est qu'on voulait aussi avoir quelque part des plantes qu'on débloque plus tard dans le jeu, qui nous permettent de revenir en arrière. Un peu finalement comme ce qu'on trouve dans un Metroidvania. Il y a eu cette idée, justement, de mise sur la table, d'avoir plus qu'un jeu, plus qu'un 2X, presque un jeu d'aventure, où justement les nouvelles plantes qu'on déverrouille nous permettent de revenir en arrière et d'obtenir des secrets. On parlait justement des glands il y a quelques instants. Oui, en fait, on a cet élément à un moment du jeu. Vers la fin du jeu, on débloque. Alors, on utilise beaucoup des espaces d'eau pour délimiter des zones et pour faire des obstacles. Et du coup, il y a certains endroits où, même dans les premiers biomes du jeu, dans les deux, trois premiers biomes du jeu, il y en a quatre, je rappelle, on a des endroits avec de l'eau. Et des fois, il y a des choses au milieu de l'eau, que ce soit des secrets ou que ce soit des plantes même à aller chercher. Et à un moment dans le jeu, on débloque une plante en particulier qui est le nénuphar. Et le nénuphar peut... poser des racines, sauf que en l'occurrence c'est des feuilles de nénuphar, et va permettre de traverser ces points d'eau. Du coup, il y avait cette idée effectivement qui est en quelque sorte un clin d'œil au Metroidvania, de pouvoir revenir en arrière et réexplorer. En fait, la clé du Metroidvania, c'est surtout la recontextualisation pour moi, donc de dire ok, je reprends cet environnement, mais j'ai un nouveau pouvoir, donc je vais l'explorer d'une nouvelle façon. Et c'était un peu ce qu'on cherchait en disant « Ok, on a des secrets qui sont dans les zones précédentes et qu'il va peut-être falloir retourner chercher, peut-être à un endroit dans la zone où je n'ai même pas été, parce que rien ne m'y invitait, et où je vais pouvoir traverser en utilisant cette nouvelle plante. Et ça va me permettre d'aller chercher un secret, par exemple, ou une petite récompense. On aurait aimé le faire plus. » Typiquement, j'aurais bien aimé, je ne vais pas dire un regret, mais j'aurais trouvé ça chouette qu'il y ait des plantes qu'on débloque, certaines plantes qui ont des pouvoirs particuliers. Typiquement, à un moment, on se déplace dans un biome de neige et on a une plante qui fait fondre la neige. J'aurais aimé trouver une façon de réutiliser cette plante à d'autres endroits, un peu comme dans un Metroidvania où on débloque un pouvoir et ce pouvoir va... être réutilisé quelque part à un endroit où on va peut-être pas s'y attendre. Mais c'est pareil, on n'a pas trouvé la bonne recette pour faire ça sans que ça casse un peu l'esprit de l'identité des biomes. C'était bizarre si je mets un caillou qui fond, un obstacle qui fond en plein milieu du désert, c'est très bizarre. Donc on gardait ce côté le plus possible cohérent et naturel. Et on avait d'autres idées de plantes qui auraient pu faire des choses comme ça, mais on n'a pas pu les mettre en place. Y avait cette volonté aussi de rendre un peu magique le tout. Finalement, c'est pas resté dans le jeu final. En fait, le dernier biome, qui est un marais, il y a un peu plus de magie dedans. Il y a des secrets qui tournent un peu plus autour de la magie. Et on a appelé ça le marais un peu par abus de langage, parce que marais, souvent, ça a cette connotation un peu c'est pas propre. Or, oui. Là, c'est plutôt mignon comme marais. Hein. C'est plutôt une zone avec, avec un peu plus d'eau et qui a des couleurs un peu plus bleutées, violacées. Et notre idée initiale, c'était que ce soit quelque chose qui soit un peu de l'ordre du Feywild dans Donjons et Dragons. Donc, quelque chose d'un peu malicieux, d'un peu avec des fées, ou avec des petites plus il y a plus de lucioles de toute façon dans ce biome, il y a plus de lumière, il y a plus de petits effets de particules. On aurait voulu plus insister sur ça et plus dire ah ok, bah, ce côté-là il y a plus de magie. Et je pense que si on avait d'ailleurs ajouté un biome en plus, on aurait très certainement souhaité aller à fond dans cette direction, parce qu'on trouvait ça rigolo que au fur et à mesure je me rappelle qu'on a eu cet échange à un moment où on se disait peut-être que le dernier biome c'est un peu la route arc-en-ciel, c'est-à-dire que c'est bon, t'as vu toutes les mécaniques, on va te récompenser en t'en mettant en mettant tous les effets à fond, et il y a des paillettes, et c'est juste pour que ce soit joli et rigolo, quoi. Je pense qu'on aurait aimé aller dans cette direction pour finir, puisqu'on avait exploré les côtés naturels et qu'il y a un côté un peu surprenant pour la fin. Bah, qui sait, peut-être que justement ce sera un des objectifs de la suite. Donc d'abord, évidemment, des vacances, comme à chaque développeur et à chaque développeuse qui sort un jeu. Oui. Mais une question me taraude, Chlorolink en multijoueur, est-ce que c'est jouable si le jeu marche? Faut savoir que j'ai une immense passion pour les jeux multijoueurs, en particulier coopératifs. J'adore ça. Si je pouvais en faire plus, j'en ferais plus. Malheureusement, c'est forcément plus long à faire. Il y a plusieurs fois où, pour juste l'exercice de pensée, on s'est dit à quoi ça ressemblerait si on était plusieurs. Est-ce qu'on ferait deux réseaux, chacun d'un côté, et du coup, le réseau se rejoint au milieu? Est-ce que chacun aurait... Un peu à la civilisation, est-ce qu'on aurait chacun des plantes différentes qui produisent des choses dont l'autre a besoin et du coup on est obligé d'aller se le donner? Malheureusement, je pense que c'est trop de travail. C'est trop de travail, et aussi c'est trop difficile d'adapter un jeu qui n'a pas été conçu dès le début pour en faire un jeu multijoueur. Par contre, c'est des... En fait, ce côté exploration avec des racines et ce côté un peu organique, je trouverais ça hyper intéressant dans un jeu multijoueur. Donc, il y a des réflexions autour de ça, de est-ce que si on a plus de temps et plus d'argent, est-ce qu'on ne fait pas ça? Est-ce qu'il y a une piste à explorer? De toute façon, moi, dans l'idéal, j'aimerais que dans mon futur, il y ait du jeu multijoueur. Voilà, vous avez entendu donc que Florian va travailler sur un jeu multijoueur tantôt. Non, mais par contre, si vous travaillez sur un jeu multijoueur et que vous cherchez un développeur, n'hésitez pas, contactez-moi. Je suis dispo. mais par contre, tu l'as dit, oui, j'ai eu beaucoup le nez dans le guidon là sur les deux derniers mois sur Chlorolink. Donc effectivement, petite pause, 2 semaines, et après, plein de choses à préparer, mais c'est rien de sûr encore. On va terminer cette émission par vous donner des recommandations de jeux à suivre. Calendrier des jeux français d'ici quelques instants. Mais tout d'abord, Florian, quelles sont tes recommandations? Quels sont tes petits jeux pas très connus que tu nous recommandes? Je vais en donner 2-3 si tu m'y autorises. Le premier, c'est Cobalt Core. C'est un jeu qui est sorti en 2023, qui est fait par 3 personnes, si je ne dis pas de bêtises. C'est un roguelike deck builder. C'est en pixel art et c'est dans l'espace avec des animaux anthropomorphes qui sont bloqués dans une boucle temporelle. Et j'aime d'amour ce jeu. La BO est fabuleuse. Il y a un twist de gameplay super intéressant pour un deck builder, je trouve, qui est qu'au début de chaque run, il faut choisir 3 membres d'équipage et chaque membre représente un archétype. Donc attaque, défense, pioche, etc. Et ça définit les dialogues, la cutscene de fin de la run et l'avancement dans l'histoire, mais aussi quel type de carte tu vas avoir accès. Du coup, c'est un peu presque comme avoir Slay the Spire, mais tu peux prendre un tiers de chaque perso et choisir 3 persos, et je trouve ça fou. Et j'adore ce jeu, j'y ai passé un temps fou. Et alors que c'est plutôt un petit jeu et je trouve que ça n'a pas eu la visibilité que ça méritait. Donc ça c'est pour Cobalt Core. Ensuite, j'ai eu vraiment du mal parce que c'est deux jeux que j'ai très envie de promouvoir Et et en c'est même pour ça que temps. tu les promeus tous les deux. Et C'est du ça qui coup est voilà, incroyable. j'arrivais pas à choisir. Du coup il y a Glimvale, My Mini Overworld par les Ah, copains bien de sûr. Milkshake Games. Qui est un cozy city builder qui reprend les codes des MMO, donc il faut construire son petit village de MMO. Moi, c'est un univers qui me touche beaucoup, c'est super mignon, c'est bien fait, ça met pas de pression. Et je suis toujours en admiration devant leur production, en particulier leur artiste 2D. Je crois que c'est Ilona Bresson, son nom, j'espère que je n'écorche pas ton nom, je suis désolé. Mais j'adore tout ce qu'ils font. Et c'était très chouette parce qu'en fait, leur production, elle est en cours, elle était en cours en même temps que l'Eurolink. Du coup, on s'est croisés plusieurs fois discrètement sur des salons et des playtests, et je trouvais ça très chouette, cette émulsion de dire, ah là, je vais y aller, et je vais encore croiser Milkshake Games, je vais encore voir Glimvale, je vais voir comment eux, ils ont évolué par rapport à ce qu'on a fait et tout, et j'aimerais avoir plus l'occasion d'échanger avec eux, j'adore ce qu'ils font, c'est trop bien. Et l'autre, c'est Windblown, qui est en early access, c'est dev par Motion Twin qui a fait Dead Cells. C'est un roguelite très exigeant, mais j'adore parce que la DA est incroyable, la BO par l'artiste Electro Danger. Et le fait que ce soit fait pour de la coop, et je l'ai dit, moi, vraiment, la coop, c'est mon truc, j'adore les jeux où on peut jouer entre copains. Et je trouve qu'on n'a pas assez de roguelite et de Metroidvania en coop. C'est dur d'en trouver. Peut-être parce que je les ai tous faits, je ne sais pas, c'est peut-être un biais, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, c'est un genre qu'on voit énormément, le Metroidvania, et qui a beaucoup de succès. Moi, je suis très client. Et des fois, j'aurais envie de jouer à Hollow Knight ou à Silksong avec deux copains, quoi. Et je trouverais ça très rigolo. Et je pense qu'il y aurait des mécaniques hyper intéressantes à exploiter. Donc là, le fait qu'ils aient fait un roguelite qui aille dans ce sens, moi, j'adore. Voilà. Eh ben, je J'adore. suis désolé, mais ce n'est pas un roguelike en multijoueur que je vais te présenter, mais c'est quand même un jeu multijoueur, Ah. puisqu'on va démarrer les jeux que vous allez pouvoir retrouver en ce début du mois d'avril. Avec Clean Up Earth, tu connais Power Wash Simulator, et ben là il faut imaginer Power Wash Simulator où tu aspires des déchets avec plein de gens. Voilà. Et ton objectif c'est de nettoyer en fait une île et donc en nettoyant les déchets, eh bien tu récoltes de l'argent qui te permet par la suite d'améliorer ton aspirateur et surtout tu redonnes intégrité aux lieux dans lesquels tu te rends. Voilà, c'est jouable jusqu'à 25. 25, ça sort le 2 avril et c'est développé et édité par Magic Pockets, Clean Up Earth. Bah, peut-être que ce jeu va t'intéresser du coup, pour le coup. Écoute, je suis très content que tu le présentes parce que je n'avais pas entendu parler. Je viens de voir et bah oui, ça coche beaucoup de cases. Hein. Je te cache pas que peut-être que je vais envoyer un message juste après l'émission pour dire vous en pensez quoi? Quand est-ce qu'on commence? Bah Je écoute, vois qu'ils ont pourquoi une pas? démo en plus et ça sort le 2 avril, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Donc oui, complètement. Ça me donne très envie d'essayer. 2 avril, Darwin Paradox, c'est développé par ZDT Studio, date de team, et c'est édité par Konami. C'est un jeu de plateforme 2D qui rappellera un petit peu, peut-être un peu Limbo, peut-être un peu l'Odyssée d'Abe, peut-être ce genre de titre. Et bah, on a hâte de voir ce que ça peut donner parce que les développeurs s'amusent beaucoup, notamment en faisant des petites parodies de Metal Gear Solid. Et ils ont même fait une musique il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si tu l'as vu sortir. Oui. Darwin's Paradox, donc, le 2 avril prochain. Il y a un dernier jeu qui sort le 2 avril, c'est Rogolf de Seabird Interactive. Bah, on parlait de roguelite, justement. Et bien là, c'est un roguelite, justement. Cette fois-ci, on joue au mini-golf. Donc chaque niveau a ses propres règles, chaque partie est différente, et évidemment, eh bien, il y a des pouvoirs pour agrémenter tout ça au milieu. Voilà, ça sort le 2 avril, ça sort sur Steam, et je crois que ça sort aussi sur console, si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur Rogolf. Tout autre chose, 10 avril, Chaotic Games qui présente 7. Là, on est sur du fast FPS qui mélange la science-fiction et la mythologie égyptienne, puisque votre objectif, ça va être de combattre Apophis en incarnant 7, d'où le nom du jeu, le dieu du désert. 10 avril donc pour ce jeu lyonnais. Et puis, bah, tu parlais de Milkshake Games, ils développent des jeux, mais ils sont aussi éditeurs, oui. Puisque sort Turquoise le 14 avril prochain. C'est développé par Loflame Studio, édité donc par Milkshake Games. Et là, eh bah, c'est un jeu dans lequel on construit son propre slash aquarium. Et on aura l'occasion d'y revenir dans Indie 500, puisque c'est dans 15 jours, eh bien, le prochain épisode qui sera dédié, ce sera celui sur Turquoise. Voilà pour les quelques jeux à présenter, et puis comme d'habitude, il y en a plein d'autres, bientôt 500 dans le calendrier des jeux français, à retrouver bien sûr dans la description, et puis partout ailleurs, si vous avez la possibilité de le consulter. Des jeux qui t'intéressent ? J'avoue que... il faut que je revoie le nom. Je crois que c'est Rogolf que tu as dit, le jeu de Rogolf, ouais. R-O-G-O-L-F. Je suis intrigué parce que c'est vrai que je me dis, mais c'est fou, l'idée est tellement bonne qu'elle a déjà dû être d'accord. Faite. Et non, j'ai pas l'impression. C'est trop bien. Bravo pour ce mix. Et bon, c'est pas une grande surprise, mais Turquoise, évidemment, je jouais déjà à la démo et je trouve ça trop bien. Et c'est un peu dans le même esprit de ces beaux et relaxants, et j'adore. Eh ben, c'est très, très bien. Bundle. Il y a peut-être une communication qui va être faite. Je vais envoyer un message. On ne sait pas. Avec grand plaisir, en tout cas. Mais je, vraiment, très, très bien. D'ailleurs, allez jouer à la démo et allez voir sur quoi. C'est très, très bien. Chlorolink, ça sort le 27 mars 2026 au prix de 7,99€, développé et édité par Lei Wellin, Florian Baeux donc. Un grand merci à toi d'être venu dans Trace pour nous avoir parlé du titre et plus. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter à nos auditeurs et auditrices ? Écoute, déjà à toi, merci énormément de m'avoir invité à participer. C'était vraiment très très chouette comme expérience et comme conversation. Et pour les autres, n'hésitez pas à essayer Chlorolink. Vraiment, moi, mon but quand je fais des jeux, c'est que les gens ils louent et passent un bon moment. Donc, si vous avez des retours, quels qu'ils soient, moi, le fait que vous ayez joué au jeu m'emplit de bonheur. Et c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'on fait des jeux principalement. Et, donc, n'hésitez pas à envoyer un petit message pour dire « Coucou, j'ai joué à ton jeu, ça me fera extrêmement plaisir. » Et voilà, continuez à jouer des jeux, continuez à faire des jeux cool. Exactement, et n'oubliez pas de wishlist les jeux et effectivement d'envoyer un petit commentaire si jamais vous avez eu l'occasion de jouer au titre, ça fait toujours plaisir aux développeurs et aux développeuses qui les font. Nous, eh bien, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Indie 500. D'ici là, eh bien, n'hésitez pas à aller écouter les précédents épisodes si d'autres jeux vous intéressent. N'hésitez évidemment pas à partager l'émission, plus vous la partagez, plus elle est connue et plus, eh bien, il y a aussi de chances quelque part que ces jeux que nous mettons en valeur dans l'émission soient aussi joués. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette émission, à la partager autour de vous. Et nous, bah, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau tour de piste. Salut à tous et salut à toutes.